continent le soir, fais un tour dans les bars. Jazz, admire l'atmosphère, respire l'air pime qui circule et tire sur le cigare. Écoute le solo de ma prime. Les mélodies, la source de notre inspi, transmet des émotions pures. Pourvu que ça dure pour sûr, je donne de l'amour à coup sûr. En une bise ou blessure, elle me rendra le quintuple. Les fils de ch m'expliquent ce que je m'exécute. Naissance par le fouet dans les champs de coton. D'autant qu'il est devenu dur comme le béton. À travers nos coules, traverse le temps, les airs. Plongé dans les idées claires à tout temps. On est plongé dans notre univers. Des sons de jazz, des faces qui claquent. La constante est linéaire. Je me laisse emporter par les ondes sonores, le cahier de rime est à portée. Micro allumé, check, SP allumé, check, qui est de la partie? Ok c'est parti, j'envoie des phases sur un fond de jazz. J'étais du père sur ce monde, la musique m'a donné une place. Donc je persévère et je lui donne toute ma passion. Elle me retourne de l'amour, un moyen d'évasion du stress qui nous opprime dans ce monde fou. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui je tiens debout. Plongé dans mon univers, déconnecte de l'extérieur. En compétition avec moi-même, j'essaye d'être meilleur que hier. Les snares, les kicks donnent le rythme de mon cœur. J'ouvre mon esprit pour vous donner la saveur d'un temps perdu, ressuscité sur ce disque, immortalisé à jamais pour nos fils. On est plongé dans notre univers. Des sons de jazz, des phases qui claquent. La constante est linéaire, portée sur la misère. On se bat dans la musique pour garder les idées claires. On est plongé dans notre univers. Des sons de jazz, des phases qui claquent. La constante est linéaire, portée sur la misère. On se bat dans la musique pour garder les idées claires.